Donc, rebonsoir à tous. Alors, on se retrouve. J'ai changé de place, monté quelques étages, changé de voix. Et écoutez, il est pile poil 18h. Je ne pensais pas qu'on arriverait à être aussi ponctuel avec toutes ces complexités techniques. Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Grenoble, 90.8 FM. On est toujours en direct de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. C'est toujours une occasion un peu particulière parce qu'on inaugure notre studio radio. Donc un espace, comme vous avez pu l'entendre toute la journée, d'expérimentation, d'exploration autour de la radio. Aussi un dispositif technique qui nous permet de faire pas mal de choses. Et donc de travailler avec du son, mais pas que, aussi de la voix, comme on vient de l'écouter à l'instant avec Yvan. Pour clôturer cette journée un petit peu spéciale, je voulais juste commencer par remercier un petit peu tout le monde parce que il s'est passé pas mal de choses et sans l'efficacité et la rapidité d'esprit et de corps de toutes et tous, on ne serait pas arrivé là. On continue la soirée, on est encore une petite heure ensemble et cette fois on va profiter d'une performance. On a la joie et l'honneur d'accueillir Emma Loriot et Julien Claus qui vont nous proposer la performance Météo Mondiale. Je ne vais pas en dire trop parce que je pense que ça s'écoute et ça s'apprécie comme ça. Je vous laisse la place. Comment vous voulez faire? Je vous laisse vous installer. C'est Emma qui prend ma place, j'imagine. Voilà, super. Donc restez à l'écoute de Radio Campus. Vous allez avoir le plaisir d'écouter une performance en direct pendant une heure. Une poésie sonore climatique. C'est parti. Profitez bien. Resolute Bay. Jeudi. 11h. Moins 7 degrés. Brouillard givrant, glacial. Eureka. Jeudi, 11h, moins 6 degrés, nuage passant, froid. Tixi. Vendredi, 1h. Moins 1 degré. Nuage passant, extrêmement froid. Danemark Chavne, jeudi 16h, moins 1 degré, ensoleillé, froid. Katanga, jeudi 23h, 0 degré, neige éparse, couvert, froid. Bidoufik, jeudi 13h, 0 degré, très nuageux, froid. Verkhoyansk, vendredi 2h. 0 degré. Nuage passant frais. Oulan-Bator, vendredi, minuit. 1 degré. Nuage passant, nuit fraîche. Nuuk. Jeudi 15h, 2 degrés, ensoleillé, froid. Longyearbyen, jeudi 18h01, 2 degrés, nuage passant, froid. Itokartormit, jeudi 15h01, 2 degrés, frais. Pévec. Vendredi, 4h01, 4 degrés, nuages bas, temps froid. Coral Harbour, jeudi, 11h01, 4 degrés, nuages fragmentés, froid. Anadir, vendredi, 4h01, 5 degrés, brouillard froid. Kangarchuswak, jeudi, 15h01, 5 degrés, nuages fragmentés, frais. Norilsk, jeudi, 23h01, 5 degrés, neige éparse, nuages passants, frais. Punta Arenas, jeudi 13h01, 6 degrés, ciel couvert, froid. Yukla, vendredi 1h01, 6 degrés, nuit tiède. Inuvik, jeudi 10h01, 8 degrés, nuages passants, froid. Belushia Guba, jeudi 19h01, 8 degrés, brouillard, nuit froide. Hovde, jeudi 23h02, 8 degrés, nuit claire, frais. Port au français, jeudi, 21h02. 9 degrés, averse nocturne. Froid. Yekaterinbourg, jeudi, 21h02. 9 degrés, nuit claire. Temps frais. Hobart, jeudi, 2h02. 9 degrés, couvert. Frais. Adak, jeudi, 7h02. 9 degrés, averse éparse. Partiellement ensoleillé. Plutôt frais. Anchorage, jeudi, 8h02, 9 degrés, ensoleillé, très frais. Petropavlovsk-Kachamski, vendredi, 4h02, 10 degrés, nuages passants, plutôt froid. Melbourne, vendredi, 2h02, 10 degrés, temps clair, frais. Chelyabinsk, jeudi, 21h02, 10 degrés, nuit claire, froid. Novosibirsk, jeudi, 23h03, 10 degrés, partiellement dégagé, tiède. Kudjouak, jeudi, midi 03, 11 degrés, partiellement ensoleillé, froid. Juneau, jeudi, 8h03, 11 degrés, nuageux, plutôt froid. Canberra, vendredi, 2h03, 11 degrés, nuit claire, frais. Irkoutsk, vendredi, minuit 03, 11 degrés, nuit claire, plutôt froid. La Paz, jeudi, midi 03, 11 degrés, brume, frais. Kazan, jeudi 19h03, 11 degrés, nuages passants, frais. Izevsk, jeudi 20h03, 11 degrés, nuages passants, nuit fraîche. Astana, jeudi 21h03, 11 degrés, nuages passants, nuit fraîche. Perth, vendredi minuit 03, 11 degrés, nuit claire, tiède. Rovaniemi, jeudi 19h04, 12 degrés, nuages passants, frais. Torshavn, jeudi, 17h04, 12 degrés, très nuageux, temps frais. Adélaïde, vendredi, 2h04, 12 degrés, nuit fraîche. Krasnoyarsk, jeudi, 23h04, 12 degrés, nuages passants. Nuit fraîche, Salem, jeudi, 9h04, 12 degrés, ciel bas, frais. Blanc-Sablon, jeudi, midi 04, 13 degrés, brouillard, humide, froid. Mourmansk, jeudi, 19h04, 13 degrés, partiellement dégagé, frais. Tromsø, jeudi, 18h04, 13 degrés, ciel clair, plutôt frais. Komsomolsk en amour, vendredi 2h04, 13 degrés, averse, plutôt froid. Reykjavik, jeudi 16h04, 13 degrés, nuages brisés, plutôt frais. Billings, jeudi 10h04, 13 degrés, ensoleillé, se rafraîchissant. Helsinki, jeudi 19h05, 14 degrés, temps clair, frais. Rémy, jeudi 19h05, 14 degrés, temps clair, frais. Lhasa, vendredi minuit 05, 14 degrés, nuit claire, se rafraîchissant. Cheyenne, jeudi 10h05, 14 degrés, nuages fragmentés, frais. Auckland, vendredi 4h05, 14 degrés, très nuageux, frais. Oslo, jeudi 18h05, 14 degrés, ciel couvert, temps frais. Addis Abeba, jeudi 19h05, 14 degrés, nuages passants, frais. Yerevan, jeudi 20h06, 14 degrés, ciel couvert, nuit tiède. Wellington, vendredi 4h06, 14 degrés, averse éparse, nuages passants, temps tiède. Buenos Aires, jeudi 13h06, 14 degrés, plus de soleil que de nuages, tiède. Bishkek, jeudi 22h06, 14 degrés. nuages passants, nuit tiède, Yuzno Sakhalinsk, vendredi 3h06, 15 degrés, temps clair, frais. Saint-Pétersbourg, jeudi 19h06, 15 degrés, ciel couvert, plutôt froid. Stockholm, jeudi 18h06, 15 degrés, nuages passants, frais. Oral, jeudi 21h07, 15 degrés, nuages passants, nuit tiède. Luxembourg, jeudi 18h07, 15 degrés, temps clair, frais. Vancouver, jeudi 9h07, 15 degrés, nuages passants, frais. Zagreb, jeudi 18h07, 15 degrés, averses éparses, nuages fragmentés, temps frais. Jeudi 18h08, 16 degrés, nuages passants, temps frais. Dubas, jeudi 17h08, 16 degrés, nuages passants, tiède. Ljubljana, jeudi 18h08, 16 degrés, nuages bas, frais. Urumqi, vendredi minuit 08, 16 degrés, nuages bas, frais. Edinburgh, jeudi 17h08, 16 degrés, temps clair, frais. Dublin, jeudi 17h08, 16 degrés, partiellement couvert, frais. Seattle, jeudi 9h09, 16 degrés, temps clair, frais. Belfast, jeudi 17h09, 16 degrés, temps clair, frais. Cardiff, jeudi 17h09, 16 degrés, temps clair, frais. Glasgow, jeudi 17h09, 16 degrés, temps clair, se rafraîchissant. Actubé, jeudi 21h09, 16 degrés, nuages passants, nuit fraîche. Lima, jeudi 11h09, 16 degrés, nuages passants, tiède. Tallinn, jeudi 19h09, 17 degrés partiellement dégagés, plutôt froid. Vilnius, jeudi 19h09, 17 degrés, nuages brisés et frais. Kaliningrad, jeudi 18h09, 17 degrés, nuages passants, temps frais. Amsterdam, jeudi 18h09, 17 degrés, nuages passants, temps frais. Paris, jeudi 18h10, 17 degrés, nuages brisés sur rafraîchissant. Samara, jeudi 20h10, 17 degrés, nuages fragmentés, tièdes. Bogota, jeudi 11h10, 17 degrés, nuages fragmentés, tièdes. Jamestown, jeudi 16h10, 17 degrés, nuit couverte, tiède. Boston, jeudi midi 10, 17 degrés, partiellement ensoleillé, tiède. Jeudi 13h10, 17 degrés, orage, brouillard, tiède. Denver, jeudi 10h10, 18 degrés, nuageux, frais. Berne, jeudi 18h, 12h, 18 degrés, nuages passants, frais. Zurich, jeudi, 18h, 11h, 18 degrés, couvert, frais. Berlin, jeudi, 18h, 11h, 18 degrés, temps clair, frais. Budapest, jeudi, 18h11, 18 degrés, temps frais, brume, Copenhague, jeudi, 18h11, 18 degrés, temps clair, frais, Londres, jeudi 17h11, 18 degrés, nuages fragmentés, tièdes, Francfort, jeudi 18h11, 18 degrés, temps clair, se rafraîchissant, San Francisco, jeudi 9h12, 18 degrés, nuages passants, tièdes, Mexico, jeudi 10h12, 18 degrés, temps clair, tiède, Chibougamau, jeudi midi 12, 19 degrés, brouillard, froid, Genève, jeudi 18h12, 19 degrés, averse, clairsemé, frais, Vaduz, jeudi 18h12, 19 degrés, couvert, frais, Santiago, jeudi midi 12, 19 degrés, pluie, très nuageux, frais, Bruxelles, jeudi 18h12, 19 degrés, temps clair, frais, Brisbane, vendredi 2h13, 19 degrés, nuit fraîche, Omsk, jeudi 22h13, 19 degrés, averse nocturne, ciel bas, tiède, Beijing, vendredi minuit 13, 19 degrés, brouillard, nuit tiède, Tbilisi, jeudi 20h13, 19 degrés, partiellement dégagé, tiède, Québec, jeudi midi 13, 19 degrés, brune, brouillard, plutôt frais, Rarotonga, jeudi, 6h13, 19 degrés, nuages passants, tièdes, Port-Louis, jeudi 20h13, 19 degrés, partiellement ensoleillé, chaud, Raleigh, jeudi, midi 13, 19 degrés, partiellement nuageux, tiède, Varsovie, jeudi, 18h13, 20 degrés, nuages fragmentés, temps frais, Vienne, jeudi, 18h14, 20 degrés, partiellement dégagé, frais, Vladivostok, vendredi 2h14, 20 degrés, ciel couvert, frais. Jeudi midi 14, 20 degrés, averse, ciel couvert, plutôt froid. Bratislava, jeudi 18h14, 20 degrés, temps clair, frais. Moscou, jeudi 19h14, 20 degrés, ciel couvert, plutôt froid. Halifax, jeudi 13h14, 20 degrés, brouillard épais, tiède. Antananarivo, jeudi 19h14, 20 degrés, nuages passants, nuit fraîche. Sydney, vendredi 2h15, 20 degrés, nuages passants, tiède. Los Angeles, jeudi 9h15, 20 degrés, temps clair, frais. San Diego, jeudi 9h15, 20 degrés, nuages passants, frais. New York, jeudi midi 15, 20 degrés, temps clair, tiède. Providence, jeudi midi 15, 20 degrés, partiellement ensoleillé, frais. Nuku'alofa, vendredi 5h15, 20 degrés, nuages passants, chaud. Alofi, jeudi 5h15, 20 degrés, très nuageux, chaud. Sao Paulo, jeudi 13h16, 20 degrés, temps tiède, clair. Aguascalientes, jeudi 10h, 16, 20 degrés, nuages passant agréablement chaud. Guadalajara, jeudi 10h, 16, 20 degrés, nuages fragmentés agréablement chaud. Montréal, jeudi midi 16, 21 degrés, ciel couvert, frais. Bakou, vendredi 20h, 16, 21 degrés, nuit claire, tiède. Katmandou, jeudi 22h, 17, 21 degrés, nuages passant, nuit tiède. Baltimore, jeudi midi 17, 21 degrés, nuages fragmentés, temps tiède. Lusaka, jeudi 18h, 17, 21 degrés, nuages passant, nuit tiède. Tashkent, jeudi 21h, 17, 21 degrés, nuit claire, chaud. Suva, vendredi 4h, 17, 21 degrés, ciel couvert, chaud. Pyongyang, vendredi 1h, 17, 22 degrés, partiellement dégagé, nuit tiède. Albuquerque, jeudi 10h, 17, 22 degrés, partiellement ensoleillé, se rafraîchissant. Dnipro, jeudi 19h, 17, 22 degrés, averse éparse, couvert, frais. Winnipeg, jeudi 11h, 18, 22 degrés, temps clair, frais. Cordoue, jeudi 13h, 18, 22 degrés, brouillard humide, tiède. Tijuana, jeudi 9h, 18, 22 degrés, temps clair, frais. Indianapolis, jeudi midi 18, 22 degrés, partiellement ensoleillé, tiède. Maseru, jeudi 18h, 18, 22 degrés, nuages passants, humide, tiède. Philadelphie, jeudi midi 18, 22 degrés, partiellement ensoleillé, frais. Washington, jeudi midi 18, 22 degrés, nuages passants, frais. Bujumbura, jeudi 18h, 18, 22 degrés, nuages passants, humide, tiède. Jitega, jeudi 18h, 18. 22 degrés, nuages passants, tiède. Guatemala, jeudi 10h, 19. 22 degrés, nuages passants, chaud. Saint-Denis, jeudi 20h, 19. 22 degrés, averse, nuit chaude. Sapporo, vendredi 1h, 19. 23 degrés, nuit couverte, se rafraîchissant. Séoul, vendredi 11h, 19. 23 degrés, nuit claire, frais. Knoxville, jeudi, midi 19. 23 degrés, plus de nuages que de soleil, tiède. Las Vegas, jeudi, 9h, 19. 23 degrés, temps clair, tiède. Nairobi, jeudi, 19h, 19. 23 degrés, heure, partiellement dégagé, tiède. Détroit, jeudi, midi 19. 23 degrés, nuages passants, tiède. Jérusalem, jeudi, 19h20. 23 degrés, nuit fraîche. Douchanbé, jeudi 21h20, 23 degrés, nuages passants, nuit tiède. Toronto, jeudi midi 20, 23 degrés, très nuageux, plutôt frais. Pune, jeudi 22h20, 23 degrés, partiellement dégagé, nuit chaude. Makassar, vendredi minuit 20, 23 degrés, nuages fragmentés, nuit chaude, papé été. Jeudi 6h20, 23 degrés, temps clair, chaud. Ponta Delgada, jeudi 16h20, 24 degrés, averse éparse, nuages fragmentés, tiède. Kiev, jeudi 19h20, 24 degrés, nuages passants, se rafraîchissant. Atlanta, jeudi midi 20, 24 degrés, brouillard, temps tiède. Ashgabat, jeudi 21h21, 24 degrés, surtout nuageux, nuit tiède. Bangalore, 24 degrés. Nuages passants, nuit chaude, Pontianak. Jeudi, 23h21. 24 degrés, averse, orageux, ciel couvert, chaud, Palikir. Vendredi, 3h21. 24 degrés, très nuageux, chaud, Nusantara. Vendredi, minuit 21, 24 degrés, nuages passants, chaud, Agania. Vendredi, 2h22, 24 degrés, nuages passants, chaud, Majuro. Vendredi, 4h22, 24 degrés, ciel bas, chaud. Apia, vendredi, 5h22, 24 degrés, brouillard, temps chaud. Luanda, jeudi, 17h22, 24 degrés, partiellement dégagé, chaud. Grenoble, jeudi, 18h22, 24 degrés, ensoleillé, chaud. Kitchener, jeudi 19h22, 25 degrés couvert, frais. San Marino, jeudi 18h22, 25 degrés nuages passants, tiède. Monaco, jeudi 18h22, 25 degrés nuages passants, tiède. Barcelone, jeudi 18h23, 25 degrés nuages passants, tiède. Chicago, jeudi 11h23, 25 degrés partiellement ensoleillé, tiède. Gibraltar, jeudi 18h23, 25 degrés nuages passants, tiède. Darwin, vendredi 2h23, 25 degrés nuit claire, tiède. Bandar Seri Begawan, vendredi, minuit 23, 25 degrés, nuages passants, nuit chaude. Denpasar, vendredi, minuit 23, 25 degrés, orage, brouillard, chaud. Ngegulmud, vendredi, 1h23, 25 degrés, ciel couvert, temps chaud. Jeudi 23h23, 25 degrés, nuit claire, chaud. Tegucigalpa, jeudi 10h24, 25 degrés, nuages passants, tiède. Cancun, jeudi 11h24, 25 degrés, partiellement ensoleillé, chaud. Sarajevo, jeudi 18h24, 26 degrés, nuages fragmentés, tiède. Casablanca, jeudi 17h24, 26 degrés, nuages passants, nuit tiède. Rabat, jeudi 17h24, 26 degrés, nuages fragmentés, tiède. Kigali, jeudi 18h24, 26 degrés, nuages passants, tiède. Istanbul, jeudi 19h24, 26 degrés, nuages passants, tiède. Kampala, jeudi 19h24, 26 degrés, ciel couvert, tiède. Mumbai, jeudi 22h24, 26 degrés, nuages fragmentés, nuit chaude. Benares, jeudi 22h24, 26 degrés, nuages fragmentés, chaud. Jayapura, vendredi 1h25, 26 degrés, pluie clairsemée, ciel bas, tiède. Honolulu, jeudi 6h25, 26 degrés, nuages fragmentés, chaud. Mani, vendredi minuit 25, 26 degrés, partiellement dégagé, nuit chaude. Yaoundé, jeudi 17h25, 26 degrés, partiellement dégagé, chaud. Vientiane, jeudi 23h25, 26 degrés, orage, bonne nuage brisé, chaud. Phnom Penh, jeudi 23h25, 26 degrés, nuage fragmenté, chaud. Rangoon, jeudi 23h25, 26 degrés, partiellement dégagé, nuit chaude. Panama, jeudi 11h25, 26 degrés, nuages passant chaud. Belém, jeudi 13h26, 26 degrés, nuages fragmentés chaud. Malabo, jeudi 17h26, 26 degrés, partiellement dégagé chaud. Victoria, vendredi 20h26, 26 degrés, nuages fragmentés chaud. Funafuti, vendredi 4h26, 26 degrés, partiellement dégagé chaud. Kiritimati, vendredi 6h26, 26 degrés, nuages passants chaud. Bangkok, jeudi 23h26, 26 degrés, nuages passants chaud. Belmopan, jeudi 10h27, 26 degrés, partiellement ensoleillé, chaud. Milan, jeudi 18h27, 27 degrés, nuages brisés, frais. Tokyo, vendredi 1h27, 27 degrés, nuit claire, frais. Yokohama, vendredi 1h27, 27 degrés, nuages passants, tiède. Lilongwe, jeudi 18h27, 27 degrés, partiellement dégagé, tiède. Topeka, jeudi 11h28, 27 degrés, brouillard, frais. Alger, jeudi 17h28, 27 degrés, brouillard, tiède. Dallas, jeudi 11h29, 27 degrés, averse, ciel couvert, frais. Indore, jeudi 22h29, 27 degrés, nuages passants, tiède. Austin, jeudi 11h29, 27 degrés, ensoleillé, temps tiède. Honiara, vendredi 3h29, 27 degrés, nuages passants, tiède. Pensacola, jeudi 11h30, 27 degrés, partiellement ensoleillé, tiède. Mexicali, jeudi 9h30, 27 degrés, temps clair, tiède. San José, jeudi 10h30, 27 degrés, nuages passants, tiède. Salvador de Bahia, jeudi 13h30, 27 degrés, pluie, partiellement ensoleillé, tiède. Balikpapan, vendredi minuit 30, 27 degrés, brouillard, nuit chaude. Manokwari, vendredi 1h31, 27 degrés, nuages fragmentés, chaud. Sao Tome, jeudi 16h31, 27 degrés, nuages passants, tiède. Karachi, jeudi 21h31, 27 degrés, brume, nuit chaude. Asuncion, jeudi 13h31, 27 degrés, ensoleillé, chaud. Accra, jeudi 16h32, 27 degrés, temps clair, chaud. Bonjour, jeudi 16h32, 27 degrés, temps clair, chaud. Atna, jeudi 21h32, 27 degrés, nuages passants, nuit chaude. Mazatlan, jeudi 9h34, 27 degrés, temps clair, tiède. Lomé, jeudi 16h34, 27 degrés, nuages passants, chaud. Lagos, jeudi 16h34, 27 degrés, nuages passants, chaud. Bissau, jeudi 16h34, 27 degrés, temps clair, chaud. Nagoya, vendredi 1h35, 28 degrés, nuages passants, tiède. Harare, jeudi 18h35, 28 degrés, temps clair, tiède. Pretoria, jeudi 18h35, 28 degrés, temps clair, tiède. Bucarest, jeudi 19h35, 28 degrés, nuages passants, frais. Belgrade, jeudi 18h36, 28 degrés, brume, frais. Johannesburg, jeudi 18h36, 28 degrés, temps clair, tiède. Ankara, jeudi 19h36, 28 degrés, nuages passants, tiède. Windhoek, jeudi 18h36, 28 degrés, temps clair, tiède. Tirana, jeudi 18h37, 28 degrés, nuages fragmentés, tiède, Tel Aviv, jeudi, 19h37, 28 degrés, nuages passants, chaud. Téhéran, jeudi, 19h37, 28 degrés, nuages passants, agréablement chaud. Hamilton, jeudi, 13h37, 28 degrés, averse éparse, couvert, tiède. Maputo, jeudi, 18h37, 28 degrés, temps clair, chaud. Beyrouth, jeudi, 19h38, 28 degrés, temps clair, tiède. Thiruvananthapuram, jeudi, 22h38, 28 degrés, nuages fragmentés, nuit chaude. Colombo, jeudi, 22h38, 28 degrés, brume, chaud. Kolkata, jeudi, 22h39, 28 degrés, nuages passants, nuit chaude. Sri Jayawardenapur à côté, jeudi, 22h39, 28 degrés, ciel couvert, nuit chaude, Hanoï, jeudi, 23h39, 28 degrés, nuit nuageuse, temps chaud. Singapour, vendredi, minuit 39, 28 degrés, averse impromptue, partiellement dégagée, nuit chaude, Libreville, jeudi 17h40, 28 degrés, nuages fragmentés, chaud, Bangui, jeudi 17h40, 28 degrés, nuages passants, chaud, Bhubaneswar, jeudi 22h40, 28 degrés, brume épaisse, nuit chaude, Dhaka, jeudi, 22h41, 28 degrés, nuages passants, nuit chaude, Freetown, jeudi, 16h41, 28 degrés, partiellement couvert, chaud, Porto Novo, jeudi, 17h41, 28 degrés, nuages passants, chaud, Guayaquil, jeudi, 11h41, 28 degrés, nuages fragmentés, chaud. Orlando, jeudi, midi 41, 28 degrés, nuages passants, tiède. Monrovia, jeudi, 17h41, 28 degrés, partiellement ensoleillé, chaud. Osaka, vendredi, 1h42, 29 degrés, partiellement dégagé, tiède. Kobe, vendredi, 1h42, 29 degrés, nuit claire, frais. Kyoto, vendredi, 1h42, 29 degrés, partiellement dégagé, tiède. Sofia, jeudi 19h42, 29 degrés, partiellement dégagé, tiède. Rome, jeudi 18h43, 29 degrés, nuages fragmentés, tiède. Vatican, jeudi 18h43, 29 degrés, nuages fragmentés, tiède. Chongqing, vendredi minuit 43, 29 degrés, averse éparse, couvert, tiède. Valetta, jeudi 18h44, 29 degrés, nuages passants, chaud. Taipei, vendredi minuit 44, 29 degrés, partiellement nuageux, nuit chaude. Nuages nuage passant, tiède. Phoenix, jeudi, 9h45, 29 degrés, température tiède, de demain, jeudi, 19h45, 29 degrés, de nuage passant tiède. Jeudi 13h45, 29 degrés, temps clair, tiède. Fragmenté, temps chaud. 28, 29 degrés partiellement dégagés chauds. Palma de Majorque, jeudi 18h, 48, 29 degrés, nuages passants chauds. Jeudi midi 51, 31 degrés, partiellement ensoleillé, chaud. Managua, jeudi 10h52, 31 degrés, nuages passants, chaud. Jamena, jeudi 17h52, 31 degrés. Temps clair. Extrêmement chaud. Tunis. Jeudi, 17h52, 32 degrés, nuages fragmentés, tièdes. Lahore, jeudi, 21h52, 32 degrés, nuages fragmentés, chaud. Basse terre, jeudi, midi 52, 32 degrés, temps chaud. Kingston, jeudi, 11h52, 32 degrés, orage, partiellement ensoleillé, chaud. Brazzaville, jeudi 17h52, 32 degrés, nuages passants, temps chaud. Kinshasa, jeudi 17h53, 32 degrés, nuages passants, temps chaud. Aden, jeudi 19h53, 32 degrés, nuages passants, chaud. Gaborone, jeudi 18h54, 33 degrés, temps clair, frais. Rio Branco, jeudi 11h55, 33 degrés, nuages passants, tiède. Madrid, jeudi 18h55, 34 degrés, nuages brisés, temps tiède. Dubaï, jeudi 20h56, 34 degrés, nuages passants, nuit chaude. Jeudi 16h57, 34 degrés, nuages passants, temps chaud. Damas, jeudi 19h57, 35 degrés, temps clair, tiède. Manama, jeudi 19h57, 35 degrés, temps clair, chaud. Niamey, jeudi 17h58, 35 degrés, temps clair, chaud. Veracruz, jeudi 10h58, 36 degrés, nuages passants, temps chaud. Riyad, jeudi 19h59, 37 degrés, temps clair, chaud. El Ayoun, jeudi 17h59, 39 degrés, partiellement couvert, temps tiède. des coups. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette folle et j'espère heureuse journée à l'école d'architecture de Grenoble. On vous laisse l'antenne campus et bonne soirée à tous. Au revoir.